bougies s'éteignaient, les feux se rallumaient, alors que la glace fondait, le niveau lui montait, alors que les nuages volaient, la pluie s'humidifiait, alors que le monde tournait, les balles s'arrêtaient. Les balles s'arrêtaient, et bien eux ils étaient tristes de nous savoir heureux, et bien nous on s'en foutait de ne pas être comme eux, alors qu'on était joyeux à l'idée d'être heureux. Ils s'en foutaient aussi de ne pas être ici. Alors que les avions décollaient, les immeubles croulaient, alors que sur Mars il pleuvait, la source s'intensifiait, alors que l'on était assis, les escargots se relevaient, alors que le monde tournait, les balles s'arrêtaient. Les balles s'arrêtaient, et bien eux ils étaient tristes de nous savoir heureux, et bien nous on s'en foutait de ne pas être comme eux, alors qu'on était joyeux à l'idée d'être heureux. Ils s'en foutaient aussi de ne pas être ici. Alors que le BNC, le Y s'enfuyait, alors que le four chauffait, la poubelle refroidissait, alors que le monsieur pleurait, les mouchoirs absorbaient, alors que le monde tournait, les balles s'arrêtaient. Les balles s'arrêtaient. Alors que le soleil brillait, les pièces s'allumaient, alors que le chanteur chantait, le coureur lui courait, alors que ma mère m'en parlait, moi je regardais la télé, alors que le monde tournait, les balles s'arrêtaient. Les balles s'arrêtaient. Alors qu'on était joyeux, à l'idée d'être heureux, eux ils s'en foutaient aussi.